France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 109. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 24 février 2008, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es le 8e commandement. Tu es un arracheur de dents, tu es pain total, tu es gros bobard ou petite cachotterie, tu es tartarin de Tarascon et tu es aussi... L'authenticité se lit sur mon visage. Je ne triche pas, je ne truque pas. Ça fait 30 ans que je suis dans la vie politique. Personne ne m'a pris le doigt dans le pot de confiture du mensonge. Oui, tu l'auras compris, l'ami, ce matin, tu ne dis que la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Alors, il fut une époque pas si lointaine où le mensonge d'État était pratique courante. Ainsi, pendant des années, Valéry Giscard d'Estaing nous a fait gober qu'il savait jouer de l'accordéon. François Mitterrand, lui, nous a fait croire dans les yeux qu'il le contestait. Et Jacques Chirac a oublié de nous dire qu'il se nourrissait pour 4000 francs par jour. Mais désormais, heureusement, tout cela est révolu puisque nous sommes entrés dans l'ère de la transparence, fini les bobards et le baratin. Cela dit, il ne faudrait pas non plus oublier les vertus de ce vice disparu. C'est pourquoi la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, durant 53 minutes, de consacrer une émission au mensonge. Et pour amorcer notre immersion dans la mythomanie, de l'illusion à l'omission, nous allons constater qu'en réalité, le mensonge est omniprésent et que certains peuvent mentir toute leur vie. Ensuite, durant quelques minutes, nous découvrirons d'ailleurs qu'à l'encontre de la morale, il est parfois même essentiel de bien savoir mentir. Et dans la foulée, par l'intermédiaire d'un petit montage made in panic, nous consulterons l'avis d'un expert en la matière, Mr. Bill Clinton. Et puis, nous te dévoilerons en exclusivité les étranges résultats que nous a offert ce curieux détecteur de mensonges après avoir interrogé les proches du chef de l'État. Et enfin, nous retrouverons Monique et Jean-Claude à Grosboul-les-Bains où ils ont vu cette semaine le mensonge s'immiscer dans leur couple par là où ils s'y attendaient le moins. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et balance des cracks. If you get the notion, you can't stop the groove, cause you just won't move. Got my sunroof down, got my diamond in the back. Put on your shaggy ring, woman, if you thought I ain't coming back. Shame, shame, shame. Ooh, shame on you, girl, if you can't dance too. I said shame, shame, shame, shame, shame, shame, shame, shame on you, if you can't dance too. If you don't want to go, remember one monkey don't stop no show. My body needs action. Shame, Shame, Shame, triptyque disco interprété par Shirley & Co. en 1975. L'année où, comme chacun sait, le prophète Raël fut enlevé par des extraterrestres sur une planète où il affirme avoir rencontré Bouddha, Moïse, Jésus et Mahomet. Les sectes en France, franchement, c'est l'essence de la vérité, non ? Faut pas s'inquiéter si on leur accorde un peu plus le droit d'exister. Alors ce matin, la panique au Mangin Palace, toujours à l'écoute des faiblesses de la condition humaine, a donc décidé de te dire toute la vérité sur le mensonge. Nous le savons, autour de nous et au quotidien, tout est mensonge. Le sourire que t'offre la boulangère ou le bonjour que tu lui rends sont des mensonges, car ils constituent une illusion. D'ailleurs, bien souvent, le mensonge est une nécessité quand la vérité peut blesser profondément. Et c'est là où réside le paradoxe. Dans nos sociétés bien pensantes, le mensonge est catalogué comme étant un péché. Mentir, c'est mal, c'est même condamnable. Ainsi, dès l'enfance, il faut redresser les esprits, les surveiller pour éviter plus tard de les punir. Oui, bon, j'avais tous les défauts. Menteur comme un dentiste, bien comme il faut. Dribbleur comme Chiffaut, un plus grossier. Très tôt, je voulais pas bosser. Et comme Pinocchio, mais sans la fée. J'ai méchamment menti et ça l'a fait. J'ai menti comme on tousse, sans que l'on t'arrête me pousse. J'en ai fait des coups en douce. Tu me crois, tu vaux pas un centime. Je le jure, voilà la radime. Je le jure, voilà la radime. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà la radime, voilà. Voilà la radime, autrement dit, voilà el azim. En arabe, ça veut dire c'est la pure vérité. Car le mensonge, c'est une chose bien compliquée puisqu'il n'existe réellement que lorsqu'il est découvert. Et cela se complique quand le menteur est lui-même convaincu de dire la vérité. Le mythomane... Je voudrais pas faire croire que je me vante, hein, ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le... Mais bon, je crois que Catherine Deneuve est amoureuse de moi. Alors, je ne l'ai pas encore dit à ma mère, parce que c'est pas un truc évident à vivre. Mais il va falloir que je fasse avant Catherine, cherche à la joindre, quoi, c'est ça. C'est sûr, je l'ai un peu cherché, tout ça, mais enfin, bon, quoi. Je pensais pas que ça irait jusque-là, quoi. Je suis assez emmerdé, là, d'ailleurs. Eh oui, le mythomane est souvent assez emmerdé, là, par ses propres mensonges, car parfois, il ne les contrôle plus. Sa vie entière peut dès lors devenir une tromperie, comme par exemple... pour ce trentenaire scolarisé dans une classe de quatrième. Frédéric Bourdin affirme qu'il ne veut pas grandir, il veut avoir 15 ans. Mais dans tout ce discours, on a du mal à cerner ce qui motive cet homme qui se dit fan de Michael Jackson. Il est arrivé en Béarn parce qu'il voulait aller en Espagne. Et puis il a rencontré des gens qui ont commencé à croire à son histoire d'orphelin de 15 ans et aux faux papiers qu'il a sur lui. Il a été pris en charge par un foyer d'aide sociale à l'enfance et donc admis dans ce collège palois. Il portait des casquettes et des foulards pour cacher ses tatouages. Il a la voix aiguë. Il se passait des crèmes dépilatoires. Il raconte comment, depuis 15 ans, il s'est fait passer pour un vétérinaire, un séminariste, un homme d'affaires ou un soigneur de tigres. Aux États-Unis, il a fait 6 ans de prison pour avoir pris l'identité d'un enfant disparu. À Pau, Frédéric Bourdin est redevenu Frédéric Bourdin. Jusqu'à la prochaine fois. La prochaine fois, je vous le chanterai. Bonjour. Ainsi, Frédéric Bourdin, le meilleur des mythos, a réussi la prouesse de chanter ses mensonges en jouant du pipeau. Car passer sa vie entière à mentir est un art souvent pratiqué. Il y a par exemple le comte de Saint-Germain hableur, le président Nixon fraudeur ou le poker menteur, mais aussi de Don Juan dragueur. Et il faut bien comprendre que les victimes de ces incroyables esbroufeurs aiment aussi parfois qu'on leur cache la vérité. Oh, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, maman embrasse et dis que tu m'aimes, t'es un grand menteur, tu sais. Oh, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, maman lasse, quelle joie suprême, t'en es fronté, tu sais. Oh, attends, attends, attends, attends, attends, attends, t'entends, puis si je perds la tête, car je t'aime même au moment où tu mens peut-être. Aimer un menteur, ou une menteuse. C'est un grand classique, car le mensonge s'installe allègrement dans le couple. Ainsi, Sacha Guitry aimait à dire « il faut mentir aux femmes, comme ça on a l'impression de se rembourser ». Mais bon, parfois, vivre avec un menteur, ça fait frémir. Cette affaire dramatique peut se résumer en quelques mots. Un escroc, fabulateur et mythomane qui, se voyant découvert, décide alors de supprimer tous les témoins de son passé. Jean-Claude Roman, 41 ans, s'est fait passer pendant 20 ans auprès de ses proches pour médecin et expert auprès de l'OMS. Et depuis 20 ans, il mentait. Il n'avait en fait qu'une année de médecine. Il n'y a jamais eu de docteur Roman, devait dire le substitut de Bourg-en-Bresse. Il n'y avait que Mr. Hyde. Après avoir tenté de se suicider, Roman avouera. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Ainsi, l'histoire de Jean-Claude Roman fut portée à l'écran par Nicole Garcia ou Laurent Cantet, car on ne peut être que médusé face à autant de mensonges. Et puis, devant le cas Roman, on est très vite conduit à s'interroger sur nos proches et sur tout ce qu'ils peuvent bien nous cacher. Mais bon, que l'on soit victime ou acteur dans le domaine du mensonge, même dans les situations désespérées, il y a toujours une solution. Georges, c'est pas du tout ce que tu crois, Claudia. Ah bon? Je vais t'expliquer. C'est... Oh la vache, ça c'est un travail pour super menteur, ça. Stop, Claudia. Monsieur Georges n'a rien fait. Non. Il ne connaît pas cette femme. Il s'est trouvé dans un lit avec elle, c'est de façon fortuite. Elle avait froid, elle était pauvre, il avait chaud, il était riche. Il l'a aidé. Monsieur Georges est un gentleman. Mais oui, je suis bête. Au revoir, super menteur. Super menteur, un personnage qui a totalement disparu de notre environnement. Eh oui, ils sont bien loin tous ceux qui un jour ont osé mentir. Tiens, regarde en politique. C'est vrai qu'avant, il y a eu quelques menteurs, mais aujourd'hui, c'est fini, puisque tout est devenu plus simple. Le peuple vote un truc qui ne plaît pas, ben, tu bidouilles au Parlement. Le Conseil constitutionnel dit quelque chose que tu ne veux pas, ben, tu tripatouilles avec la Cour de cassation. Un journaliste dit un bidule qui ne te convient pas, ben, tu vas au pénal. Et oui, bientôt, dis donc, c'est dire la vérité qui va être compliqué. Mais bon, ici, nous, on ment, bien sûr. Tiens, par exemple, l'été dernier... On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station balnéaire. Tu t'es pas fait prier, j'étais gant de crin, Gisèle. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Presseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai plonger dans les bottes des montagnes. Plus question où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. La nuit, je mens, c'est ce que chantait en 1998 le noctambule Alain Bashung. Mais dit-il vrai, puisqu'il avoue mentir ? Ah, c'est compliqué, ce paradoxe. Parce que si la nuit, il ment, ben du coup, ce n'est pas Alain qui bat Chung, mais c'est Chung qui lui marave la face. Bon, alors maintenant, que nous dit l'horloge du Mangin Palace ? Eh bien, qu'il est à présent 11h21 et après avoir constaté qu'il est possible de mentir durant toute une vie, il est temps désormais d'essayer de te prouver qu'il est parfois essentiel encore aujourd'hui de bien savoir mentir. Oui, mon ami, connais-tu réellement les ficelles du mensonge ? Avant tout, connais-tu le curieux paradoxe du fieffé menteur ? Il fut énoncé 7 siècles avant le célèbre accident du travail qui stoppa la carrière de Jésus. Le paradoxe du menteur fut inventé par un poète crétois, originaire de Knossos. Épiménide fut son nom et il écrivit ceci. « Tous les crétois sont des menteurs. Je suis crétois, donc je mens. Du coup, si je mens, je ne suis pas crétois, donc je ne mens pas. Donc je suis bien crétois et donc je mens. » Et ainsi de suite. Raisonnement redoutable. Cela dit, certains esprits éclairés ont tenté de contrarier ce paradoxe du menteur. En effet, si on dit ceci, « je mens en ce moment même », eh bien, si cette phrase est vraie, c'est qu'elle est fausse, bien sûr, puisque je dis la vérité. En revanche, si cette phrase est fausse, alors elle devient vraie. Enfin bref, quoi qu'il en soit, le meilleur des menteurs, mon ami, demeure justement celui qui tente de noyer la vérité dans des raisonnements fumeux. Démonstration par l'exemple. Bonjour, je viens pour ma Golf, le joint de culasse. Ah oui, oui, elle est prête. On vous a remplacé le joint, puis on vous a refait tous les niveaux aussi. Voilà, ça vous fait 600 euros. Attends, il bluffe là. Vous avez dit combien ? Bah, 600 euros. 600 ? Attends, le paye pas tout de suite. Quoi ? Bah, tu vois, Denis, quand le type te regarde droit dans les yeux comme ça, c'est qu'il veut t'impressionner. C'est le coup classique. Ça veut dire qu'il a pas de jeu, il a rien. Non mais, ça va Patrick, c'est correct. Non, pas question, c'est beaucoup trop. Ce mec là, c'est un voleur de blindes, je l'ai vu tout de suite. Ne le paye pas. Ben, c'est pas compliqué, hein. Je suis pas payé, je garde la bagnole, moi. Mais si, on va payer. Non, c'est, wow. C'est juste... Attends, là, il nous refait le coup de Negre à nu en table finale du Bellagio en 96. Ah non, c'est très très bien joué. Là. Mais c'est du troisième degré. Il nous fait croire qu'il fera ce qu'il a dit en sachant qu'on sait qu'il bluffe. Et comme il sait qu'on sait qu'il sait qu'il a pas de jeu, il veut qu'on pense qu'il va garder ta Golf. En fait, c'est assez conventionnel. Paye le 300, pas plus. 300 ? Ouais, c'est obligé, il va se coucher. Bon, j'appelle les flics. Eh oui. Quand il s'agit de bluffer, encore faut-il impressionner son interlocuteur afin d'éviter de terribles ennuis. Cela dit, rassure-toi, il existe d'autres procédés pour mentir, beaucoup moins complexes, moins périlleux, souvent très utiles et surtout à la portée de tous. Je peux vous dire que tavernier, c'est peau de sinécure. Ah, c'est pas faux. J'ai jamais su ce que ça voulait dire, sinécure. Moi non plus. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux. Comme ça, vous passez pas pour un glandu. C'est ma botte secrète. C'est pas faux ? C'est vrai qu'en ce moment, ça va pas fort. Heureusement que vous êtes là pour me réconforter. C'est bien normal. Non, quand même. Combien il y en a qui se débinent dès qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous me dites ça va pas fort, il faut qu'on se voit. On se voit. Avec moi, vous savez, c'est carré. Je sais pas ce qui m'arrive ces jours-ci. J'ai l'impression d'être insipide. Mais alors... Ouais, c'est pas faux. Bon. Ça m'a fait du bien de parler. Merci. Alors, que faire lorsque la personne trompée face à toi s'aperçoit que tu lui racontes des bobards? Une seule priorité, même la tête sur le bio, n'avoue jamais. Dans ces moments-là, justement, le vrai baratineur, lui, ne vacille jamais. Il enfonce le clou pépère, audace et toupée sont les maîtres mots du bonimenteur. J'ai toujours été un Européen convaincu depuis l'origine. Eh bien oui, soyons nets, cette Europe de l'impuissance, cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde, cette Europe non-européenne, cette Europe mollusque, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage, je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais. J'ai toujours été un Européen convaincu depuis l'origine. Il faut avoir la foi et jouer la carte de l'Europe, toujours la même rengaine. Europe, Europe, Europe. Abracadabrantesque, abracadabrantesque. Eh oui, parfois le mensonge, c'est une grosse blague. D'ailleurs, en général, le menteur est facétieux et il arrive souvent que mentir puisse également te servir à divertir ton entourage. Mais attention, il faut être doué. Nous avions fait état dans nos émissions de signaux venant d'un mystérieux satellite. Est-ce que, par hasard, Germaine Bartoli, à propos de... Non, mais j'insiste pas, mais vous avez des précisions? Oui. Ces signaux qui avaient été captés par de nombreux centres d'écoute spatiale, dont celui d'Herbley, eh bien, ce soir, aux dernières nouvelles, nous avons pu les identifier, ces fameux signaux. Poisson d'avril. N'en disons pas plus. D'autres informations générales? Ah ben oui, hein. Dans les années 60, on savait déconner à l'ORTF grâce à Germaine Bartoli, non? Enfin bon, certes, ce bobard radiophonique fut un peu grotesque, mais ce qui est louable avec les petits mensonges de l'audiovisuel public, c'est qu'a priori, ils ne donnent pas lieu à des tracas judiciaires, ce qui n'est pas le cas partout. Simone Garnier retient son souffle, son père spirituel, Guy Lux, comparaît aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Grasse. Le populaire et sympathique animateur de la télévision savonnette est poursuivi pour publicité mensongère. Minux, comme l'appelait Coluche, avait vanté les bienfaits des numéros soi-disant millionnaires et beaucoup de gogos s'étaient laissés prendre. Le mieux ou le pire, c'est que Guy Lux y croit. À Grasse pour France Inter, compte rendu d'audience, Robert Kulelka. Je suis un adepte de la numérologie. Moi-même, lorsque je joue à des jeux de hasard, je joue toujours mes numéros de chance personnels. Je pourrais d'ailleurs calculer les vôtres, monsieur le président. En fait, ces chiffres qui devaient être personnalisés étaient complètement bidons. Lors des perquisitions, on a retrouvé des cartons de chiffres millionnaires imprimés à l'avance en vue de répondre à la future demande. On regarde, c'est un tricheur. Partout, on se méfie de lui. On regarde, c'est un tricheur. Voilà. Encore une fois, j'insiste, le véritable souci du menteur, c'est de ne jamais se faire choper, bien sûr. Mais t'as vu, hein? Même à la barre et devant monsieur le juge, Guy Lux n'a jamais avoué. C'est une leçon essentielle qu'il faut retenir si tu veux te lancer dans la mythomanie. Encore que parfois, certains d'entre vous se posent la question, non? Quand il est tard qu'il faut rentrer, on remonte l'escalier après avoir eu dans ses bras une fille que l'on oublie déjà et qu'on retrouve celle qu'on aime qui a veillé jusqu'au matin mais qui vous embrasse quand même et qui ne vous demande rien. Que faut-il dire? Que faut-il faire? Faut-il mentir? Faut-il se taire? Alors que faut-il dire? Que faut-il faire? Mentir ou se taire? Eh bien maintenant, justement, nous allons consulter l'avis d'un expert en la matière, le 42e président des États-Unis, à savoir William Jefferson Clinton, dit Bill. Petit montage made in panic entre mensonges et aveux. On découvre cela juste après le jingle. Ça les amuse, Aujourd'hui, le président Bill Clinton s'est exprimé à nouveau. Nouvelle humiliation, incontournable. C'était à l'occasion d'une conférence sur l'éducation des enfants qui se tenait à la Maison-Blanche. Il est allé à cette réunion main dans la main avec son épouse Hillary. Et une fois de plus, face au micro et aux caméras, Hillary, il a démenti. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme, Miss Lewinsky. Mais l'écoutez pas, monsieur Dame, il ment comme un arracheur de dents. Single time. Je n'ai jamais dit à personne de mentir, pas une seule fois, jamais. Ces allégations sont fausses et je dois retourner à mon travail. Faut pas que tu paniques, je te jure, t'as me fait cool, t'as me fait bonne, Vito. T'en niques des tonnes, elle se doute de rien, elle est trop conne. Oh, mais qu'est-ce t'en sais, toi? Ça fait le mois qu'elle me fait trop peur. Oh, bon? Qu'elle check mes messages tous les quarts d'heure. Change ton code PIN. Elle a infiltré mon répondeur. Ma meuf est devenue une autre femme, ouais. T'es sûr de toi? T'en as la preuve par trois? 21 septembre 1998, 9h30 du matin, heure américaine, les télévisions diffusent, sans même les avoir regardées au préalable, les enregistrements de l'interrogatoire de Bill Clinton devant le grand jury dans l'affaire Monica Lewinsky. Ce que je dis maintenant, c'est vrai! Ce que tu disais hier ne l'était pas. Non. Veux-tu me dire ce que tu faisais? Je m'envoyais en l'air! J'espère au moins que c'était avec une partenaire vachement excitante. Non, justement, c'est dingue, elle me plaît pas du tout! Mais j'ai pensé que ça pouvait être utile à ma carrière de la faire jouir comme une salée! Ma pipe! Ma pipe! Quand j'étais seul avec Mademoiselle Lewinsky, à certaines occasions, début 1996, et une fois, au début de l'année 1997, je me suis mal conduit. Oh, t'es si magré! T'es comme une petite panthère, hein? T'es comme une petite panthère. Ce comportement n'était pas sexuel. Ce n'était pas des relations sexuelles, mais ces relations ont impliqué des contacts déplacés. C'est tout ce que je donnerai comme détail sur ces sujets spécifiques. Oh, regardez mon nez. Qu'est-ce qu'il a, mon nez? Peut-être m'as-tu menti tout à l'heure, Pinocchio. C'est possible. Oh, mais je le jure, je n'ai dit que la vérité. Too quick last Saturday night. He's got a word to say to you, and he's got to tell you quick, 'cause it's long been due. You gotta take it easy, going all around, going shouting out. You gotta take it easy, going around shouting that he doesn't know how. Too big. Do I talk too much? Should I do the gig? He's going round the bend and he can't tell now which of his friends are friends. You got to take it easy. Calling all and all on all the sides. You got to take it easy. Going round shouting like he doesn't know how. Paranoïa, c'est ce que ressent Phoebe Kilder sur son dernier album, parce que quand tu racontes un gros bobard, ben, faux bicou de culot et peu de parano pour Kilder longtemps. Alors maintenant, afin de prolonger nos mentrises au royaume de la mythomanie, il est temps à 11h34 de te révéler en exclusivité les étranges résultats que nous a offert ce détecteur de mensonges, appareil sophistiqué, que nous avions installé cette semaine au Manchin Palace. Alors avant tout, pourquoi avoir eu recours à un détecteur de mensonges, me diras-tu? Tout simplement parce que nous avons souhaité vérifier que nous étions bien entrés dans l'ère de la transparence au plus haut sommet de l'État. Désormais, a priori, on nous dit tout. Ainsi, nous avons proposé à quelques personnalités proches du président de la République de se frotter à notre machine. Et il faut reconnaître immédiatement que tout le monde s'est prêté au jeu sans détour. Mais avant d'aller plus loin, Marco Mutel et Xavier Mauduit vont expliquer brièvement comment fonctionne notre détecteur de mensonges. Comment fonctionne la machine à détecter le mensonge? Quelle est la valeur des résultats qu'elle permet d'obtenir? De quelle manière peut-elle servir efficacement la justice? sans violer les droits de la personnalité humaine. Ce qu'on appelle le lie detector est employé par la police américaine depuis une trentaine d'années. C'est un instrument relativement simple. Quand quelqu'un dit un mensonge, on entend. Quand quelqu'un dit la vérité, on entend. Un mensonge. La vérité. Bon, franchement, ce n'est pas compliqué. Mais je répète une dernière fois. Quand la personne interrogée ment, on entend ça. Et quand cette même personne dit la vérité, on entend ça. Ce détecteur de mensonges est très fiable, mais nous ne commenterons pas les résultats, tu vas les découvrir et nous te laisserons juger. Alors, dans un premier temps, nous avons voulu en savoir plus sur les coulisses de ces élections municipales à Neuilly. Nous avons donc contacté Jean Sarkozy, qui visiblement la veille s'est entraîné à déjouer la machine avec son coach Patrick Balkany. Étant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu connais pas, tu vas faire semblant de les connaître. Et le meilleur moyen de faire croire tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. On va faire un petit test. Je vais te dire deux, trois choses étonnantes comme ça, mais qui ne devront pas t'étonner. Tu es bien concentré. Oui, bien. Tu sais que ton père est... était avec le petit pompiste avant. Tu vois. Non, mais... Ah bah oui. Non, ça ne doit pas t'étonner. D'accord, oui. Bah, non, mais là, c'est... Bah oui, c'est étonnant, mais ça ne doit pas t'étonner. D'accord, d'accord. Là, t'imagines ton père à la pompe avec le petit pompiste. Oh, ah ben voilà, non mais tu recommences. Vous n'avez pas un autre exemple plus... ah, ben non, mais c'est un exemple autre... saisissant. D'accord, mais celui-là, il est saisissant. Alors, tu te reconcentres. Ok. Ainsi, après plusieurs heures d'entraînement, c'est mercredi matin que Jean Sarkozy nous a rendu visite discrètement. Nous l'avons donc équipé des électrodes de notre détecteur de mensonges et nous lui avons demandé de nous raconter ce qui s'est réellement passé à Neuilly ces dernières semaines. J'ai été coupable de conspiration. Dans le secret de mon cœur, seul, avec moi-même, j'ai conspiré. J'ai conspiré pour la paix, pour l'amnistie, pour le respect des lois, pour la tranquillité publique. J'ai conspiré pour le bonheur et la justice. Ah ben oui, hein, c'est la transparence maintenant. On se dit tout, plus de mensonges. Bon, Neuilly, c'est réglé. Ensuite, nous avons voulu interroger le chef du gouvernement, bien sûr, François Fillon, lieutenant du chef de l'État. Cela dit, informé des déboires qu'a connus son fils face à notre machine, Nicolas Sarkozy a voulu vérifier par lui-même que François Fillon était à la hauteur. Et mentir, vous savez mentir, à la cour c'est très utile. Hmm? Dites-moi un gros mensonge que je vois si je vous crois ou si je ne vous crois pas. Mais un gros, hein. Quand il me dit je t'aime et que deux et deux font trois, que Venise est sur la scène sans problème, je te crois de bois, crois de fer. Tu iras en enfer. Si jamais tu me mens, qu'est-ce que ça peut faire? J'y vais en même temps. Rassuré sur les talents de son premier ministre, M. Sarkozy l'a autorisé à se soumettre à notre détecteur de mensonges. Nous étions jeudi matin lorsque François Fillon s'est installé courtoisement sur notre machine. Une seule question nous intéressait. Que pense-t-il réellement de son patron? Il fait 1m20, il a un cul qui fait exploser son Bermuda, il a trahi tous ceux qui lui ont tendu la main à ses débuts, il ment comme il respire, le mot populisme qu'on balance à tort et à travers a l'air d'avoir été inventé pour lui. Faut dire qu'il est malin, le nain. Oh là là là là. Au jeu de la vérité, François Fillon ne s'est pas dérobé. On a dit plus de mensonges, et oui, c'est la transparence, ça. Franchement, courageux, Monsieur Fillon, pas un klaxon, que des clochettes. C'est alors qu'ensuite, nous avons souhaité recevoir la Première Dame de France, qui, tout comme elle l'a déclaré à l'Express cette semaine, nous a dit au téléphone « Je ferai de mon mieux ». Seulement voilà, fou furieux après le passage de Monsieur Fillon sur notre machine, Nicolas Sarkozy a souhaité prendre quelques sérieuses garanties avant de laisser Carla Sarkozy affronter notre machine. Je pense que tu es totalement et viscéralement incapable de dire la vérité, à moi en particulier, et surtout à toi-même. Et en ce qui me concerne, moi, je suis totalement et viscéralement incapable de croire un mot de ce que tu dis. Comment on va faire alors pour résoudre ce problème? Il se trouve justement que j'ai une solution. Ah! Je t'ai eu! Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ce truc que tu m'as planté? Le produit que cette fléchette contient est un sérum de vérité, deux fois plus actif que le pain total, sans effet secondaire et autres inconvénients, si ce n'est peut-être une très légère euphorie. Tu la ressens ? L'euphorie ? Oui. Non. Dommage. Ainsi, pas très euphorique donc, mais sous l'effet du sérum de vérité, Carla Sarkozy fut prête à répondre aux questions de Nicolas, qui lui voulait essentiellement savoir ce qu'elle répondrait à notre bande d'abrutis quand nous lui demanderions ce qu'elle pense de lui. Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier, je suis le bien-aimé, dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté. Comme charmé, lorsque j'arrive, les femmes elles me frôlent de leur regard penché. Bien malgré moi, ouais, je suis le plus beau du quartier. Parfait. Rassuré par l'amour que lui porte Carla sous ses robes de vérité, Nicolas a fini par accepter qu'elle vienne prendre place à son tour sur notre détecteur de mensonges. Mais nous avons complexifié les paramètres. Afin de savoir réellement l'étendue de ses sentiments, nous avons tenté une expérience et moi-même, j'ai alors pris place sur le détecteur de mensonges aux côtés de Carla. Résultat. On va faire une expérience. Qu'est-ce que vous voulez faire ? On va faire comme si j'étais votre vieil amant anglais, d'accord ? Je suis votre vieil amant anglais, je vous demande de me jurer que vous ne m'avez jamais menti, que vous n'avez jamais aimé que moi. Qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Que vous n'avez jamais aimé que moi. En anglais ? Non, en français. Je n'ai jamais aimé que toi. C'est effrayant, je veux dire, on peut pas lutter, là. Et vous, dites-le moi aussi, faites-le. Voilà, attendez une seconde, parce que moi, j'ai besoin d'un minimum de concentration. Je n'ai jamais aimé que vous. Vous trichez. Comment ça, je triche ? Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. Moi, j'ai pas votre talent, c'est tout. Eh ben voilà. Qui croire désormais, le sérum de vérité de Nicolas ou notre détecteur de mensonges ? Tous nos résultats se trouvaient soudainement remis en cause. C'est alors qu'à notre grand étonnement, car lui aussi inquiet au final de savoir qui avait raison, M. Sarkozy lui-même a accepté de se soumettre à notre machine. Ainsi, en toute discrétion, il est venu nous rendre visite hier matin et nous lui avons posé une seule question. Quel modèle envisage-t-il pour la France de demain ? George Bush, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. George Bush est un ami, il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Ok, bon ben, c'est donc bien notre détecteur de mensonges qui était fiable. Eh ben, bravo! D'ailleurs, son mimétisme pro-Bush a déjà commencé, puisqu'hier matin, dans la foulée de notre interrogatoire, M. Sarkozy est allé inaugurer le salon de l'agriculture. Mais adieu vaches et cochons, et bonjour le vert bio les fraises. Qu'en veux-tu faire ? Que tu fais de ta beauté ? De ta silhouette ? L'on sait, les années se ressemblent, on est de moins en moins ensemble. Qu'est-ce qui t'a pris d'afficher tant de mépris ? Où sont nos bains de minuit ? Tu ris quand tu t'étrangles. J'aurais si peur qu'il te ressemble. À la gare du Nord, je sors. Rendez-vous qui sait dans une autre vie, dans un autre monde. Quand il fera nuit, quand il fera sombre. Qu'en as-tu fait ? Qu'as-tu fait de ta belle bouche ? Ton goût pour les lieux bien louches, le latex et les sangles. On est de moins en moins ensemble. Qu'est-ce qui t'a pris ? Où est ton grain de folie ? Midi, garde lune et les cendres. J'aurais si peur qu'il te ressemble. À la gare du Nord, je sors. Rendez-vous qui sait dans Rendez-vous, qui sait, Benjamin Biolay s'en remet à sa bonne étoile, parce que lorsque tu vis dans le mensonge, tu as bio laissé faire le destin, tu ne sais jamais de quoi demain sera fait. Alors maintenant, à 11h46, afin de poursuivre notre odyssée dans l'océan de la menterie, il est grand temps de retrouver le franc Jean-Claude et l'intègre Monique qui viennent tout juste d'être confrontés aux mensonges au cœur de leur couple. En effet, il faut bien le dire, depuis quelque temps, Monique n'est pas très en forme. Cet hiver, elle a déjà eu 3 gastro et une grippe. Et puis elle le sent, elle vieillit. Quand elle était jeune, Monique voulait changer la vie. Alors aujourd'hui, notre monde, là, ça la déprime. Oui, Monique, elle en a assez des mensonges et elle est prête à dénoncer toutes les tromperies, même si elle doit prendre des risques. Et ainsi, Monique décide tout de go qu'elle cesse à partir de maintenant sa petite coloration mensuelle caramel sauvage. Monique, elle ne veut plus de mensonges dans sa vie. Sauf que voilà, après tant d'années, toute la famille avait un peu oublié ce que donne une Monique avec les cheveux décolorés. On dirait qu'un ragondin mouillé s'est vautré sur son crâne. Pourtant, quand Monique lui demande si les années passées ont altéré sa beauté, Jean-Claude, très mal à l'aise, répond que... Je souris malgré moi, rien qu'à te regarder. Si les mois, les années marquent souvent les êtres, toi tu n'as pas changé, la coiffure peut-être. Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. Non, Jean-Claude n'a rien oublié. La tête, les fesses, la poitrine, le visage, rien n'a changé. Ah, si, peut-être, là, au coin de l'œil. Enfin non, c'est juste une ridule d'expression, quoi. Pas du tout un signe de vieillissement. Monique est donc très rassurée de la franchise du Jean-Claude et retourne vaquer à ses occupations. Sauf que Rémi, le fils de la famille, vient d'entendre la conversation et il s'apprête à avouer à sa mère la pure vérité. Ben oui, elle a un peu vieilli, c'est normal. Mais que Rémi dise à Monique, pour Jean-Claude, il en est hors de question. Non, non. Comment ça ne rien dire ? Rémi ne comprend pas pourquoi, après le lui avoir si souvent interdit, que son père accepte désormais le mensonge. Jean-Claude décide alors de lui expliquer un peu la vie. Vois-tu, il arrive quelquefois qu'une grande personne doive inventer des histoires. C'est difficile à expliquer, mais si tu veux... Voilà, je prends un exemple. Quand maman était enceinte de toi, elle avait pris pas mal de poids, elle n'arrêtait pas de s'empiffrer, et je t'assure que papa était inquiet, mais quand elle me demandait comment je suis, je lui disais « Chérie, tu es jolie, tu es belle comme tout, tu resplendis !» Si j'avais dit à ta maman qu'elle avait l'air d'une grosse vache, ça lui aurait fait du chagrin, tu comprends ? Ma maîtresse nous apprend que la beauté est à l'intérieur. Non, non, ça c'est des mensonges de bonne femme laide. On ne peut pas survivre en ne disant que la vérité dans le monde des adultes. D'accord. D'accord. Rémi ne dira pas à sa mère qu'elle a un peu vieilli. De son côté, Jean-Claude est quand même tracassé de ne pas avoir avoué la triste vérité à Monique. Surtout que lui, il la préférait avant, quand elle se teignait les cheveux. Mais que dire maintenant ? Jean-Claude cherche alors conseil auprès de son pote Sergio. Tu sais que ça a un nom ce que tu pratiques, ça s'appelle la mythomanie. Attends, hey, lâche-moi avec tes maladies de cinglé, hein. Moi je sais ce que j'ai. Je suis commercial jusqu'au bout des ongles, voilà le problème. Et bourrer le mou, c'est une seconde nature chez moi. Qu'est-ce que tu veux? En attendant, tu t'es mis dans une situation inextricable. Quoi? En gros, t'es dans la merde, quoi. Ouais, bah, ça, je comprends, hein. Mais dis-lui la vérité. Je vais passer pour un con, là, Sergio, si je fais ça. Mais non, ça va te libérer, Jean-Claude, ça va te libérer. Non, attends, j'ai une meilleure idée. Oh non. Ah si. L'idée de Jean-Claude, c'est de profiter tout simplement que Monique s'endorme pour lui faire en loose dé une coloration capillaire histoire d'effacer les tout petits cheveux blancs. Et c'est avec ce plan machiavélique que Jean-Claude rentre chez lui. Jean-Claude rentre donc à la maison bien décidé à mentir encore à Monique. T'es très belle, Pupus, avec ta nouvelle coiffure, là. Seulement voilà, arrivé à la Casbah, Jean-Claude découvre une Monique furibonde. Leur fils Rémi vient de lui avouer que Jean-Claude a menti et que vraiment, cette coiffure-là, ce n'est plus possible. Hein. Mais Jean-Claude, enferré dans son mensonge, tente encore de sauver l'affaire. Y'a ce qu'on dit, y'a ce qu'on pense, y'a ce qu'on pense, et y'a ce qu'on dit, y'a ce qu'on dit qu'on pense, et y'a ce qu'on pense qu'on a dit, mais à ce qu'on dit, ça ce qu'on pense, tout ce qu'on pense et tout ce qu'on dit, car si on dit pas tout ce qu'on pense, on pensait pas tout ce qu'on a dit. Des questions. Ok. Dans ses explications, Jean-Claude est donc assez minable. Il a beau dire à Monique que s'il a menti, c'était pour éviter de la blesser. Un mensonge par amour, tout simplement. Mais pour Monique, ce n'est pas une excuse. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. Ah, c'est ainsi, s'exclame Jean-Claude. Monique lui a donc menti pendant toutes ces années sur la véritable nature de son amour. Et Jean-Claude, il est furax. Si seulement tu m'avais dit la vérité, nous ne serions pas sur le point de nous quitter. J'aurais toujours gardé au fond de moi l'amour que j'ai eu peur de perdre autant de fois, puisque tu as triché. À présent, tu peux t'en aller. Et comme Monique ne veut pas partir, elle est chez elle, merde, c'est Jean-Claude qui claque la porte. Monique se retrouve donc seule, toute perturbée par ce qui vient de se passer. Jean-Claude lui a bien menti en ne lui disant pas qu'elle était ridicule avec sa nouvelle coiffure. Mais bon, c'était pour être gentil. Alors Monique décide de faire le premier pas et lui envoie un SMS. Si tu reviens, j'annule tout. Nos écarts de langage, nos colères, nos passions de passage. Si tu reviens, j'annule tout. Tu sais bien, tu reviens, j'annule tout. Et effectivement, Monique a annulé sa décision de changer de coiffure. Jean-Claude en est ravi et il rentre à la maison. Pour se faire pardonner, Monique lui a préparé un verre de lait, une tranche de jambon et une pomme. Quelle merveille! Tout est rentré dans l'ordre. Mais il y a bien une conséquence fâcheuse à cette aventure. C'est que Rémi, du coup, a lui aussi appris à mentir, et à l'école en plus. Ah, te voilà, toi. Alors, il suffit d'un devoir supplémentaire pour te rendre malade, hein? Et les parents tombent dans le panneau. Je serais curieux de savoir ce que tu leur as soutiré comme excuse, moi. Fais voir ton mot. J'en ai pas, monsieur. Ah, t'en as pas? Et tu crois que ça va se passer comme ça? Ce serait trop facile, mon ami. C'était ma mère, monsieur. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est morte. Oui, Monique est morte de rire quand elle repense au mensonginé de Jean-Claude. Désormais, elle lui fera entièrement confiance. Voilà, fin de l'histoire. Monique a complètement oublié les cachotteries du Jean-Claude. Enfin, presque. Lorsque tu me regardes, je le vois bien, c'est vraiment vrai que ton regard s'en va et passe à travers moi pour se perdre au-delà de moi. Et quand je te demande sans cesse à quoi tu songes, crois-tu que je ne sens pas que tu me réponds des mensonges? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Tu peux baisser les yeux et bourriffer mes cheveux et dire ce que tu veux, je ne te crois pas. Quand tu m'embrasses, moi je me dis mais oui, c'est pourtant vrai, tant qu'il m'embrasse, moi c'est toujours ça de prix, puisque tout passe et que tout lasse. Et quand tu me souris d'un air distrait, c'est vrai, crois-tu que je ne vois pas que tu penses à tout sauf à moi? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Tant que tu mentiras, c'est que tu tiens à moi, comme moi je tiens à toi, bien malgré toi. Mais tu ne le sais pas, moi je le sais, c'est pourtant vrai que toi tu es comme ça. Car moi je te connais, et toi tu ne te connais pas. Je ne vis que pour toi, tu ne vis que par toi. Et pourtant toi sans moi, ça ne marcherait pas, tu ne t'en doutes pas. Sais-tu que j'aime tes mensonges? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Tant que tu me tromperas et que tu reviendras, c'est que tu ne pourras pas te passer de moi. J'aime ta duplicité, hélas, c'est pourtant vrai. Crois-tu que je n'entends pas quand tu m'appelles, moi, de toutes sortes de nouveaux prénoms? Si tu me quittes un jour, ne t'en fais pas, c'est vrai, moi je disparaîtrai, tu n'entendras plus parler de moi. Je regretterai tes mensonges, je regretterai tes mensonges. Continue de mentir, non, ne t'en prive pas, car moi je ne peux pas vivre sans toi, car moi je ne peux pas vivre sans toi. Les mensonges, ce sont ceux que fit en 1963 la vertueuse Jeanne Moreau. Parce que pour mentir sans aucune gêne, il faut un bon moral et surtout se moquer des problèmes moraux. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre exploration de l'univers des menteurs invétérés. De Walla El Azim au Poisson d'Avril, de Jean-Claude Roman à Jean-Claude Guimand, et du détecteur de bobards aux mensonges pratiqués comme un art, nous t'avons offert ce matin un panorama totalement incomplet et complètement subjectif, bien sûr, de ce que peut être la mythomanie. Pour finir, nous avons appris cette semaine que le dernier grand bluffeur old school vient enfin de quitter la table du poker international. Le jeu a commencé dans les années 50, en pleine guerre froide, et on se souvient de parties mémorables, notamment en 61 avec cette paire d'as où les missiles furent contrés par un coup de bluff de Kennedy. Malgré tout, Castro est toujours resté fidèle à sa devise, et si c'est son frère Raoul qui lui succède, un apôtre de la vérité lui aussi, ça risque de ne pas beaucoup changer. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. La crise de Cuba, c'est 62. Voilà, c'était un mensonge. La mentira, le mensonge version hispanique par Manu Chao. Voilà, fin du 109e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était C'est quoi le mensonge, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h sur France Inter pour un nouvel épisode archi loufoque et total foutraque. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Benoît Massire et d'Olivier Daligo. Merci beaucoup à vous deux, c'était impeccable, comme d'habitude. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard. Merci Flora. Merci aussi à Sarah Fleury ainsi qu'à Claire-Sophie Collet, nos deux stagiaires. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ces idées complémentaires. Merci enfin à Jennifer Guillot, documentaliste de l'INA. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès dimanche prochain à 11h sur France Inter pour un nouvel épisode. Mais en attendant, d'ici là, surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise? Comment? Ah, c'était en direct? Ah, je savais pas que c'était en direct. Vous écoutez France Inter, c'est une très bonne idée, il est midi.